Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Ce matin, une édition un peu spéciale puisqu'on va parler du Nintendo Direct. Et pour l'occasion, vu que ça me fait coucher très tard, parce que vous savez que d'habitude je fais l'émission donc très tard le soir, très tôt le matin, là le Nintendo Direct est à 23h, il est actuellement, au moment où je vous parle, en direct différé, il est 22h39, et du coup je vais essayer quelque chose, c'est de débriefer ce Nintendo Direct en direct. Justement, alors pourquoi je ne le fais pas directement en live là en ce moment, c'est parce que j'aime bien quand même faire un petit peu de montage après, histoire que de retirer peut-être des bruits un petit peu bizarres, des bafouillages absolument honteux, mais du coup je trouvais ça original de commencer un petit peu avant, de commenter en direct, et puis voilà, de faire un petit montage quand même derrière. Je sais que je suis pas couché, alors que demain à 6h30 il va falloir se lever. Et là, on va voir dans quelques minutes ce qui va vraiment nous être proposé. Alors, ce que je vous annonce là, tout de go, c'est que je vais me refaire un petit kawa et je vais vous commenter ça en direct. Donc, différé pour vous, c'est un exercice un petit peu spécial. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Quand là, je reviendrai dans la seconde qui va venir, nous serons 23h. C'est tout simplement magique. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc là, au compteur, il reste une petite dizaine de secondes hein, sur la chaîne YouTube de Nintendo France avant que le direct commence. Voilà, je trépigne d'impatience, je frétille comme une petite truite, et on va voir un petit peu de quoi il retourne ce soir. 2, 1, 0, c'est parti. Là, ça vient de planter. Youpi! Donc, F5, ça commence très bien. Et là, je vais juste mourir. Super Mario Maker 2. Ok, donc je peux aller me recoucher, voilà. Je suis complètement ouf. Super Mario Maker 2. Pour moi, le 1, c'était le plus bel hommage qu'on pouvait faire à Super Mario. Super Mario Maker 2, moi qui espérais un portage du 1. Super Mario Maker 2, mes amis. C'est un truc de ouf. Oh là là, il y a un monde de Mario 3D World. Il y a la banque de Mario 3D World hein, qui est rajoutée. Ok, je deviens complètement ouf. Et là, le navigateur vient encore de planter. Purée. C'est la galère. Je vais changer de navigateur. Là, c'est la catastrophe. Donc là, il y a un monsieur Koizumi, le nouveau Papa Mario. Super Mario Maker 2. Donc, il nous parle de Super Mario Maker 2. Je deviens fou. Je deviens fou, les copains. Ok, pour moi, déjà, c'est l'un des meilleurs Nintendo Direct. Je deviens fou. Et donc, il y aura des nouvelles fonctionnalités. Mais pour l'instant, il nous montre d'autres annonces Nintendo Switch. Alors, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Donc, qui arrive sur Switch. On pourrait jouer en ligne, en local, bien sûr. Donc, ce sera l'été 2019, Marvel Ultimate Alliance 3. Alors là, ça nous parle de Box Boy, qui est de retour. On savait que c'était ce petit jeu indé où on pouvait déplacer un personnage en forme de bloc, qui lui-même peut créer d'autres blocs. Donc maintenant, il y aura un mode deux joueurs, avec un Box Boy, Box Girl. un deuxième personnage féminin. Donc un joli petit bloc avec un joli petit nœud papillon. Il y aura 270 stages. Alors j'ai jamais pu m'y essayer à celui-là, mais donc il s'appelle Box Boy plus Box Girl et ça arrive le 26 avril 2019 sur Switch. Ça va nous parler d'une mise à jour sur Smash Bros, bien évidemment, Ultimate, les gars. Alors mise à jour version 3.0, attention, on rigole plus. Et ça, ce sera ce printemps. Alors qu'est-ce qui va être ajouté? Apparemment, on nous dit qu'il va falloir être patient. On nous parle de Joker, hein, premier contenu additionnel, Joker de Persona, qui va arriver avant la fin avril. Et il y aura des nouveaux amiibo. Oh là, il y a du Snake, il y a du Simon Belmont, il y a du Pokémon. Alors on nous reparle de Captain Toad. Fabuleux jeu Captain Toad également. Alors sur la version Switch, mise à jour gratuite. Et donc c'est un mode deux joueurs en simultané, un mode coop, qui va être ajouté donc à Captain Toad. Alors des nouveaux défis, 5 nouveaux stages. Alors, si vous n'avez jamais fait Captain Toad, c'est fabuleux. Moi je l'avais fait sur Wii U. J'ai pas eu l'occasion de me le reprendre sur Switch, mais voilà, j'ai hâte. Et donc ça, cette mise à jour arrive le 14 mars. Donc bah ça arrive très bientôt, hein, j'ai envie de vous dire. Dans un mois, ni plus, ni moins. Ah, alors on nous parle de Bluestein, le jeu d'Iga, hein, le papa de Symphony of the Night. Bon, qui a toujours une tête un peu bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même, mais... Là, on nous remonte des images du jeu. J'ai hâte de les revoir après en HD tranquillement, parce que là, je vous avoue que ma connexion me fait défaut, et à mon avis, ça doit saturer au niveau des serveurs. Donc là, j'ai une image en 144p. Donc, ne serait-ce que pour lire les sous-titres en même temps, c'est un exercice, hein, vraiment. J'espère que vous appréciez l'exploit sportif, surtout que j'ai des yeux de taupe. Donc là, ça nous parle de l'histoire principale, on peut personnaliser son perso. Donc cette rendue 2,5D, je la trouve un peu mieux qu'avant, mais bon, voilà. Donc ça, c'est toujours... Donc c'est qu'il y a des été 2019, hein, Blue Stain. Alors là, ça va nous parler de Dragon Quest Builders 2. Alors je ne sais plus si la date occidentale avait été annoncée, je ne me rappelle plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, Dragon Quest Builders, hein, c'est le mélange de l'univers Dragon Quest, en l'occurrence le 2, pour le 2, avec beaucoup de scénarisation et le côté Minecraft, bien sûr, construction, etc. Et donc il arrive le 12 juillet 2019, donc chez nous, Dragon Quest Builders 2. Alors revoilà Monsieur Koizumi. Alors une annonce concernant une série de RPG bien connue, visiblement. Que se passe-t-il ? Ça va parler Dragon Quest. Ah, donc ça va parler Dragon Quest 11. Oui, on voit Dragon Quest 11. Donc là, on revoit un trailer, hein, qu'il a été traduit pour l'occasion, mais c'est un peu le... si je ne fais erreur, c'est un peu le même trailer qu'on avait vu à l'époque. Et donc, on va peut-être avoir la date de cette version Switch, donc cette version S, qui a, je le rappelle, des voix qu'il n'y avait pas dans la version originale, hein, PS4, des menus... un peu plus étoffé, si je dis pas de bêtises, hein, comme ça a souvent été le cas pour les versions occidentales, hein, des Dragon Quest, hein, ces dernières années. Donc là, on nous représente un petit peu tout le gameplay, les quêtes, le système de forge, etc. Oh la vache, il y a la version 2D. Alors attendez, ils viennent de montrer la version 2D, la version DS à l'ancienne, la version 3DS, pardon. Il va y avoir les deux ? Ah non, mais c'est ouf ! Attendez, j'attends la confirmation, si c'est ça, c'est complètement ouf ! C'est ce qu'on attendait tous, hein. Donc c'est bien la version S, édition définitive, 2019, donc si je dis pas de bêtises, il y a les deux versions, hein. Des nouveaux scénarios ajoutés pour chaque personnage. Donc comme d'hab, après chaque Nintendo Direct, il y aura plus d'informations, donc je vous donnerai ça dans les éditions futures. Il y aura plus d'informations. Donc là, ça nous parle d'Tsum Tsum Disney. Donc Disney Tsum Tsum Festival, c'est Bandai Namco qui s'occupe de ça. Oh les amis, j'ai du 144p pixelisé, c'est horrible, j'ai hâte de me revoir chaque vidéo après, là écoutez, hein, vous le savez, je suis fanboy de Nintendo, mais quand des Nintendo Direct sont foirés, je suis le premier à dire c'était Nasbrock. Là, vraiment, putain, excusez-moi, mais je suis un peu grossier, mais là c'est vraiment un fucking bon Nintendo Direct. De toute façon, en commençant avec Mario Maker 2 déjà, bah, pour moi c'était gagné. Donc Disney Tsum Tsum Festival, pour ceux que ça intéresse, ça arrive en 2019. C'est une sorte de party game, visiblement. Là, on nous reparle de Starlink. Vous savez, le jouet vidéo made in Ubisoft avec du Star Fox dedans. Alors, j'articule très mal, là, parce qu'il est très tard. Je suis ultra fatigué. Excusez ma prononciation un petit peu hasardeuse, hein. Donc, nouvelle série de missions. Si j'en crois ce que j'arrive à lire en pixelisé Saras, voilà, je comprends bien l'anglais, mais vu que je vous parle en même temps, pas facile, hein, je pense à ceux qui commentent l'Eurovision en direct. C'est pas évident. Donc, il y a une mise à jour disponible en avril, hein, donc pour Starlink. Alors, on continue. Alors, on nous parle d'une aventure émouvante et fantastique qui refait surface. Nouvelle saison. Alors, on est sur du JRPG, visiblement. Pêcher des poissons, cuisiner, élever des monstres. Alors, c'est Rune Factory 4 spécial, une version remasterisée spéciale pour la Switch. Et donc, ça arrive courant 2019. Donc, Rune Factory 4 spécial. Bon, pour les amateurs, là... il y a de quoi se régaler. Et il nous confirme que Rune Factory 5 est en cours de développement et qu'on aura bientôt de nouvelles infos. Oh la vache. Alors on nous parle d'un RPG par les auteurs de Lost Sphere. Donc ça, c'est la caution old school de Square Enix, si je dis pas de bêtises. Donc on pourra naviguer entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Alors visuellement, j'ai du mal à vous dire si ça pète vraiment, puisque j'ai mon 144p qui veut pas le décoller. Donc ça m'a l'air un peu plus attrayant que Lost Sphere, vu comme ça. Mais vu que Lost Sphere avait pas l'air très sexy, je ne m'avancerai pas plus, hein, maintenant. J'ai hâte, dans les éditions futures... de vous détailler plus tout ça quand on aura plus d'infos. Donc c'est Oninaki, été 2019, hein, Square Enix. Voilà, les artworks sont sublimes. Hein. Ah, revois Yoshi Craft World, que j'attends beaucoup. Donc ça arrive en mars, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Je peux vous dire qu'avec mon fils, on l'attend de pied ferme. Bon, visuellement, c'est toujours aussi fabuleux. Donc on nous montre de nouvelles scènes. Hein. Des courses de voiture, des balades en avion, dans le ciel. On pourra incarner un robot. Tiens, ça fait penser au Kirby, ça. Ah non, ça a l'air vraiment toujours aussi ouf. Hein. Ça a l'air toujours aussi ouf. Ah, donc là, il va y avoir une démo directement après ce Nintendo Direct. J'ai hâte de dire ça à mon fiston. Alors, on revient sur Monsieur Koizumi, qui nous demande si tout se passe bien pour l'instant. Mais oui, Monsieur Koizumi, ça se passe très bien, je vous le confirme. Ah, alors ça va parler Fire Emblem. Donc là, on nous montre une cinématique qui nous explique un petit peu le conflit. J'imagine qu'on va revoir des images de gameplay après. Et surtout, n'hésitez pas, après ce qui vous intéresse, allez sur la chaîne. Si j'y pense, je mettrai dans les commentaires, hein, vu comment je suis claqué, j'ai peur d'oublier, mais allez sur la chaîne YouTube de Nintendo France qui va mettre vraiment toutes ces vidéos, et voire même plus, hein, y a des choses qui vont tomber, je pense, dans la nuit, demain. Bien sûr, on reparlera de tout ça après au fil de la semaine dans l'émission. Donc là, ça nous présente les classes de ce futur Fire Emblem. Visuellement, il a toujours une super tête. Donc là, on nous montre un peu les interactions entre les personnages et bien sûr ces trois maisons. Il va falloir choisir entre ces three houses. Donc là, on nous montre de l'entraînement et du combat. Donc là, c'est un gros segment, hein. Fire Emblem. Je vous détaille pas tout parce que ceux qui n'en ont rien à secouer de Fire Emblem vont s'ennuyer. Mais si vous êtes fan, voilà, il y a de bien belles images à se mettre sous la rétine, n'est-ce pas? Donc 26 juillet 2019, hein, pour Fire Emblem Three Houses. Retenez bien la date, hein. Voilà, alors Monsieur Koizumi nous dit qu'apparemment que ce Fire Emblem a pris un peu de retard, mais il voulait vraiment que le développement soit au petit oignon. C'est pour ça qu'il est passé de printemps au mois de juillet. Allez, donc là on continue avec d'autres titres Nintendo Switch, hein, parce que je rappelle, ce Nintendo Direct est basé sur les titres Switch. Donc un jeu de réflexion culte arrive, le dernier joueur en lice remporte la victoire. De quoi nous parle-t-on? 99 joueurs, mon dieu. Mais un seul décrochera la victoire, nous dit-on. Tetris 99, oh là. My god. Donc c'est Tetris avec un mode en ligne. Il est téléchargeable gratuitement, mais réservé aux membres du Nintendo Switch Online, bien sûr. Oui, il fallait pas rêver, les copains, hein. Bon, Tetris, ça marche toujours. Là, je le vois tourner, j'ai envie d'y jouer déjà, de base. Donc c'est pour les abonnés au Online de Nintendo. Et ça arrive quand? Eh ben là. Après ce direct, donc là, au moment où vous m'écoutez, c'est dispo. Comme la démo de Yoshi Craft World Dead by Daylight. Eh oui, effectivement. Donc vous savez, c'est ce jeu de cache-cache avec où il faut échapper à un tueur. Ouais, c'est un jeu qui a sa petite réputation. Il faut que je ferme le chat à côté parce que il est vraiment... Voilà, il est bien gonflant. Donc c'est automne 2019, hein, Dead by Daylight. Alors ce chien va ruiner votre journée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour les joueurs qui ont fini Undertale, oh oh, une nouvelle expérience signée Toby Fox. Deltarune chapter 1. Ah oui, c'est Deltarune, effectivement. D'accord, donc ça, c'est le fameux Deltarune, parce qu'il avait mis ça gratuitement sur le net et en disant qu'il avait besoin de beaucoup d'années de développement et d'une équipe. Alors, c'est disponible 28.2 gratuitement sur l'eShop. D'autres chapitres sont en cours de développement, ils ne seront pas gratuits. D'accord, il a peut-être signé un deal avec Nintendo, alors? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, hein. Daemon X Machina. Ah oui, celui-là, il avait une bonne gueule. Donc là, on a le producteur, Monsieur Tsukuda, de ce jeu de combat de mecha absolument... vraiment qui a une gueule d'enfer. Ah, on nous parle d'une démo. Une démo disponible. Mais ça, c'est pas mal, ça. S'il y a encore une démo, ça fait beaucoup de démos. Essayez demain, c'est chouette. Il y aura un petit sondage en ligne pour donner notre avis sur le jeu. Enfin, sur la démo de Daemon X Machina. Et donc vous pouvez faire part de vos retours également sur le compte Twitter de Nintendo. Et le lancement du jeu est toujours prévu pour cet été. Donc si j'ai bien compris, il y a une démo disponible. Hein. Les prototypes mission. Alors on nous parle de course réaliste, Gride Autosport, de Codemaster. Alors au niveau du rendu, j'ai toujours mon 144p, hein, vous m'excuserez. Donc je ne peux pas vous dire si c'est si réaliste que ça. Là c'est un peu une tranche de, on va dire, entre Gran Turismo 1 et 2 pour moi, puisque voilà. J'ai mon 144p, mais ça a l'air d'être sympatoche visuellement. Alors, c'est pas trop mon style de jeu, je vais pas vous le cacher. Et donc ça sort cet été. Voilà, c'est signé Codemaster. Oh, Hellblade, Senua's Sacrifice. Oh, ça, c'est un jeu que j'ai toujours voulu faire. C'est de Ninja Theory, qui parle de maladie mentale. J'ai toujours voulu le faire et je n'ai jamais eu l'occasion. Et là, il arrive sur Switch. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. C'est un jeu qui a été vraiment primé plusieurs fois, y compris l'actrice, hein, qui jouait le rôle de cette héroïne. Ok, donc ça arrive ce printemps. Ok, très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. La grosse prise encore, hein, pour la Switch. Alors là, on nous parle d'autres jeux. Mortal Kombat 11, qui sort le 23 avril. Unravel 2, ok, qui arrive le 22 mars aussi. D'accord, magnifique. On est déjà à 30 minutes, hein, là, de Nintendo Direct. Alors pour vous, ce sera très condensé hein, pour ce matin, bien sûr. Hein. Oh, alors Assassin's Creed 3 Remaster, 21 mai, je crois, j'ai vu passer. Mars ou mai, zut, je crois que c'est mai. Hein. 21 mai de cette année, ok, donc du Assassin sur Switch. Alors pas trop ma cam, hein, mais je suppose que ça fera plaisir à... Le 21 mai, c'est bien ça. Je suppose que ça fera plaisir à bon nombre. Oh là, alors attendez, on nous parle de Final Fantasy, on nous met... Alors FF7, l'original, hein, arrive le 26 mai, et le 20 mars, Chocobo Mystery Dungeon, le dernier. Final Fantasy 9 sera disponible là, maintenant, ça y est, sur Switch, donc l'original, hein, PlayStation. Ok, ah, se refaire FF9 sur Switch, putain, ça fait envie, ça fait envie. Le 7 aussi, hein, mais je l'ai refait il y a pas si longtemps que ça sur PS4. Donc Monsieur Koizumi nous dit de passer à la qu'on passe à la suite, pardon. Je suis fatigué, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hélicoptère. Oh là, oh que c'est... Oh, alors, c'est très Jap dans le design. Mais qu'est-ce que comme disait Snake. Deux agents de police futuristes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, déjà au niveau design, j'adore. Je ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du Platinum Games. Ça se fight avec des épées, avec des guns, dans un monde futuriste. Je trouve que ça fait très Platinum Games. Alors si c'est un nouveau jeu Platinum, là, je vais pouvoir me la péter en me disant que j'ai eu le nez. Les personnes me font penser un peu à Burning Ranger, pour ceux qui ont connu, sur Saturn. Je sais pas, ça fait un peu Nier Automata aussi, mais qu'est-ce que c'est? La musique déchire. Okay. On peut chevaucher des espèces d'animaux mécaniques. J'ai mon 144... Malgré mon 144p, ça me paraît de ouf. Hideki Kamiya. Et voilà. J'avais vu juste avec le directeur de Nier Automata, Astral Chain. Putain. Excusez-moi. 30 août 2019. Putain, je suis... Platinum. J'avais raison. Platinum, mes amis. J'avais vu juste et ça a juste l'air de défourailler. Donc Astral Chain, en cours de développement chez Platinum. Alors les personnages se battent en duo apparemment. Oh là là, ça a une tronche les amis, mais putain. Oh, puis maintenant ils vont enchaîner sur Bayonetta 3. Là, on vit un des meilleurs Nintendo Direct pour moi de ces derniers mois. Hein. Franchement, c'est ouf. Alors le prochain titre sera la dernière annonce d'aujourd'hui. Regardons ceci. Donc là, Bayonetta 3, on a eu deux mots, pas de nouvelles images. Là, c'est le One More Thing. Qu'est-ce que c'est que donc? Mais qu'est-ce que, colonel? Mais qu'est-ce que? Ah, j'ai ma connexion qui déconne, je vous le dis. Là, je me répète, hein, mais c'est frustrant parce que... Oh là, c'est Zelda, c'est Link's Awakening. C'est Link's... Ils ont refait l'intro en DA. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Oh putain! Un remake de Link's Awakening. Non, mais c'est quoi ce Nintendo Direct d'anthologie? Oh purée, un remake de Link's Awakening. Mon dieu! C'est magnifique. C'est en 3D un peu vu du dessus. On croirait des petits jouets évoluer sous nos yeux. Ah non, mais c'est... Oh non, mais les gars et les meufs, c'est ouf! C'est oufissime. C'est pour cette année, c'est pour 2019. Mais purée, mais c'est pas possible. Je suis sous le choc, là. Donc, Monsieur Koizumi nous explique qu'il est de retour, 26 années après la version Game Boy, et on aura plus d'infos dans le futur, bien sûr. Voilà, le Nintendo Direct touche à sa fin. Donc, je vais couper tout de suite, je vais faire le montage. Je suis comme un ouf, je sais même pas comment je vais réussir à m'endormir après ça. Waouh, voilà. Le mot, là, pour moi, c'est waouh. Merci de m'avoir écouté. Je vais faire le montage parce que là, bah, il est 23h40. C'était juste ouf. Voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce côté un petit peu direct différé vous a plu. Et moi, bah, je vais faire le montage et je vais m'endormir des étoiles plein les yeux. Voilà. Vraiment, c'est magnifique. C'est splendide. C'est la magie à opérer ce soir. Merci de m'avoir suivi. Et donc, bah, je vous dis à demain pour le vendredi relax. Et n'hésitez pas à partager l'émission en max. Ça me fera plaisir. Gros béco et à tantôt, mes cocos. Allez, bye bye. À très vite.